l'honnêteté à ces visages qui sont trop souvent ignorés. Derrière une façade, une image qu'on nous apprend à cultiver. Et lorsqu'on a franchi le pas d'avoir enfin un franc-parler, on se rend compte, toi et moi, de l'étendue de sa beauté. Elle est la vanne de trop plein cœur, elle est la clé en cas de doute et de frayeur. Mais j'ai trop laissé aller les yeux au fond des tiens, tant que tu viens, que le mien apprivoirne ton lendemain. Et à demain, joint comme si la foi était encore de dégager. Si souvent, implorer l'espoir de ne pas être malheur. Et quand, faute de réponse à mes prières, j'ai tenté d'y voir clair en perçant le mystère qu'il n'y avait qu'elle entre nous deux, et c'était beau. Malgré ma chute de si haut, oui, beau, c'était pourtant si dur à s'avouer. La la la la la la la. Jamais j'abandonne. En attendant, prends ce que tu veux de moi. Prends-le, je te le donne. Et que résonne sa voix à travers ce chant, cette mélodie, qu'elle parvienne jusqu'à toi, te faire entendre ce que l'on dit pas ici. L'honnêteté a ses défauts, elle a ses travers, ses limites, lorsqu'elle ne passe que par des mots et quand nos cœurs c'est la panique. Et même en franchissant le pas de dire ce que je ressens, pour toi te dire je ne le veux pas, simplement je n'ai pas le droit. Simplement je n'ai pas le droit. Avant la forme du message, sache qu'importe nos futurs, notre amitié traversera nos âges. Et pour ne pas en dire plus, car insister, non, je ne le veux pas. Le reste du sac à vider se fera par ce refrain, je crois. Se fera par ce refrain, je crois. Par ce refrain, je crois. La la la la la la la la.